Crimen Amoris. Dans un palais, soie et or, dans Ecbatane, de beaux démons, des satans adolescents au son d'une musique mahométane font litière aux sept péchés de leur saint sens. C'est la fête aux sept péchés. Oh, qu'elle est belle! Tous les désirs rayonnaient en feu brutaux. Les appétits, pages prompts que l'on harcèle, promenaient des vins roses dans des cristaux. Des danses sur des rythmes d'épithalame bien doucement se pâmaient en longs sanglots. Et de beaux chœurs de voix d'hommes et de femmes se déroulaient et palpitaient comme des flots. Et la bonté qui s'en allait de ces choses était puissante et charmante tellement que la campagne autour se fleurit de roses et que la nuit paraissait en diamants. Or, le plus beau d'entre tous ces mauvais anges avait 16 ans sous sa couronne de fleurs. Les bras croisés sur les colliers et les franges, il rêve, l'œil plein de flammes et de pleurs. En vain, la fête autour se faisait plus folle. En vain, les satans, ses frères et ses sœurs, pour l'arracher aux soucis qui le désolent, l'encourageaient d'appels de bras caresseurs. Il résistait à toute câlinerie. Et le chagrin mettait un papillon noir à son cher front tout brûlant d'orfèvrerie. Oh, l'immortel et terrible désespoir, il leur disait, « Oh vous, laissez-moi tranquille !» Puis, les ayant baisés tous bien tendrement, il s'évada d'avec eux d'un geste agile, leur laissant aux mains des pans de vêtements. Le voyez-vous, sur la tour la plus céleste du haut palais, avec une torche au poing, il la brandit comme un héros fait d'un ceste. D'en bas, on croit que c'est une aube qui poing. Qu'est-ce qu'il dit de sa voix profonde et tendre qui se marie au claquement clair du feu et que la lune est extatique d'entendre? Oh, je serai celui-là qui créera Dieu. Nous avons tous trop souffert, anges et hommes, de ce conflit entre le pire et le mieux. Humilions, misérables que nous sommes, tous nos élans dans le plus simple des vœux. Oh, vous tous, oh, nous tous, oh, les pécheurs tristes, oh, les gais saints, pourquoi ce schisme têtu? Que n'avons-nous fait en habiles artistes de nos travaux, la seule et même vertu? Assez et trop de ces luttes trop égales. Il va falloir qu'enfin se rejoignent les 7 péchés aux 3 vertus théologales. Assez et trop de ces combats durs et laids. Et pour réponse à Jésus qui crut bien faire en maintenant l'équilibre de ce duel, par moi l'enfer, dont c'est ici le repère, se sacrifie à l'amour universel. La torche tombe de sa main éployée et l'incendie alors hurla, s'élevant, querelle énorme d'aigles rouges noyés au remous noir de la fumée et du vent. L'or fond et coule à flot et le marbre éclate, c'est un brasier, tout splendeur et toute ardeur. La soie en court frisson comme de l'ouate vole à flocon, toute ardeur et tout splendeur. Et les satans mourants chantaient dans les flammes, ayant compris, comme s'ils s'étaient résignés. Et de beaux chœurs de voix d'hommes et de femmes montaient parmi l'ouragan des bruits ignés. Et lui, les bras croisés d'une sorte fière, les yeux au ciel où le feu monte en les champs, il fit tout bas une espèce de prière qui va mourir dans l'allégresse du chant. Il dit tout bas une espèce de prière, les yeux au ciel où le feu monte en les champs, quand retentit un affreux coup de tonnerre, et c'est la fin de l'allégresse et du chant. On n'avait pas agréé le sacrifice. Quelqu'un de fort et de juste, assurément, sans peine, avait su démêler la malice et l'artifice en un orgueil qui se ment. Et du palais aux cent tours, aucun vestige, rien, ne resta dans ce désastre inouï, afin que, par le plus effrayant prodige, ceci ne fut qu'un vain rêve évanoui. Et c'est la nuit bleue aux mille étoiles, une campagne évangélique s'étend, sévère et douce, et vague comme des voiles, les branches d'arbres ont l'air d'ailes s'agitant. De froids ruisseaux courent sur un lit de pierre, les doux hiboux nagent vaguement dans l'air tout embaumé de mystère et de prière. Parfois, un flot qui saute lance un éclair. La forme molle au loin monte des collines comme un amour encore mal défini. Et le brouillard qui s'essore des ravines semble un effort vers quelque but réuni. Et tout cela, comme un cœur et comme une âme et comme un verbe, et d'un amour virginal, adore, s'ouvre en une extase et réclame le Dieu clément qui nous gardera du mal.